Voyage en aquilon. Sur la route en aquilon, danse, danse, trompe le long. Pensez au cédille, joli soupir, long chemin aime à nourrir. Belle nature, regardez, prunelle de la beauté. Appartenance pour qui? Vertu de l'imaginer en mortelle compagnie, rire pour la salabine, babillage et dominum, vigne serait-elle grimpante pour le voyageur? Septentrion est une terre en ce sens de milieu qui pourrait bien plaire aux cieux. Sur la route en aquilon, danse, danse, trouble long, pensez au cédille. Jolie.